vent s'élève, murmure entre les branches, raide risquée la balance dans l'ombre des montagnes. Chaque pas résonne, écho d'un pack ancien. Sur Twitch, les drops tombent, l'attente est un lien. Le bois craque sous la pluie, la nuit ne s'efface pas. Les ombres dansent, la vigilance ne fléchit pas. Riders Guild guette, ses yeux perçants, la brume, le temps suspend son souffle. Le danger salue. Les drops scintillent et promesses dans le noir. Les voix s'élèvent, prières sous l'averse. La foi tissée dans l'ombre, chaque mot une écorce. Riders Guild marche, porteur d'espoir discret. Les chants résonnent, gardiens du secret. Sur Twitch, la communauté veille et espère. Dans la forêt, l'unité éclaire. Sous la les drops tombent, signe du combat. Sur Twitch, la flamme ne s'éteindra pas. Dans la boue, l'espoir s'accroche. La forêt chante, la guerre approche. Les sentinelles crient, le silence éclate. La meute avance, la bataille s'éclate. Riders Guild tient au cœur du combat. Chaque victoire s'écrit là-bas. Les drops réchauffent l'âme des guerriers. Sur Twitch, les cris portent l'univers. On reconstruit. S'éveille, le sang pulse, la rage vermeille. Riders Guild lève son cri puissant, uni dans la nuit, défi ardent. Les sabots frappent, la route s'ouvre, on avance envers et contre tout. Riders Guild guide, clair comme le jour, le combat danse au rythme du loup. Les drops tombent, promesses enflammées. Fragile baiser, mais dans l'ombre tout peut s'élever. Riders Guild médite, prêt au combat. Demain s'annonce dans ses pas. Les feuilles frémissent, la tension glisse, mais la foi reste douce complice. Riders Guild prépare l'assaut final. Sous les étoiles, un rituel sacral. Une torche s'allume, un cri s'élève. La team rugit, la forêt s'achève. Plus rien reste, la marche sacrée. Riders Guild trace la voie sacrée. Chaque visage, chaque nom gravé dans l'histoire. Thank you. la brume s'efface, mais la lutte vit dans chaque espace. Riders qu'il s'éloigne, droit et fier, car dans Rust, la guerre est claire.